Et maintenant, je te fais les répliques tous. Eh oui. Sou. C'est parti. Gloire à Hadès. Gloire à Hadès. Non, c'est plus solennel, je suppose. Gloire à Hadès. Gloire à Hadès. Gloire à Hadès. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je ne me souviens pas du tout que le Seigneur Pluton nous ait parlé de ça. Enfin, c'est étrange. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui ? Moi, je ne vois pas du tout qui c'est. Je sais pas. En plus, vous avez vu comment il est habillé. C'est très étrange. En tout cas, il ne vient pas de chez moi. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. J'ai jamais vu ce mec-là. Et il ressemble pas du tout à regarder sa tenue, quoi. C'est pas du tout un gars que j'aurais pu croiser dans la vie. Je commence à avoir peur. Est-ce que c'est le patron qui a décidé de ça ? Je suis pas super, super positif sur le fait que c'était prévu. En plus, il interrompt la parole d'Hadès. Ok, bon, je vais... Ok, d'accord, il parle. Ok. Ok. Il crie. Super. Bon. J'espère que c'était bien. Tu n'as pas le droit de parler. Voilà, si tu as besoin d'enregistrement de quelqu'un qui se mouche, t'as Tuki qui vient de se moucher. Comme ça, c'est bien. Chut ! Tais-toi ! T'as pas le droit. On arrête. Ça suffit maintenant. Moi, je dis stop. C'est fini. Top, top, top, top. D'ailleurs, je suis pas tout seul. Hein. Tout le monde dit stop. Alors, suffit maintenant. C'est quoi ce prénom là, Mel ? Vous avez rien à dire, hein ? Nous, au moins, on a des prénoms cool. Chen Lin. C'est stylé. Ça suffit ! C'était encore un tais-toi. C'était pour le terminer, sinon. Oh, ça suffit maintenant. Il est pas sûr. Ça ne veut pas dire. En plus, il y a un et caetera derrière. Ok. Tous humains. Ah oui, attends. Les tous humains, ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pas pour moi. Les tous humains, ça, c'est pas bon. Ah, voilà. Mais faites-le taire, enfin. C'est pas à son tour de parler. Ça suffit, maintenant. Enfin. On a des règles à respecter, un peu. Ça suffit de parler tout le temps, comme ça. Hein ? Chut ! Stop ! On arrête, maintenant. Il s'arrête jamais. C'est pas possible, ça. Mais enfin. Mais il m'énerve, celui-là. Tous ces noms sont prononcés à l'espagnol. La liste est close. La liste est close. La liste est close. La liste est close. La liste est close. C'est pas pourquoi j'étais de plus en plus mal. La liste est close. Je suis Batman. La liste est close. La liste est close. Divinité et humain. Alors là, enfin, ça fait... chuchote un pro. Un pro. Un pro. Un pro, très drôle. On aime bien les blagues. Moi, j'adore l'humour. Quoi ? Attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? J'ai pas tout compris, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le destituer, le juger? Enfin, je comprends pas, c'est la première fois que ça arrive et ça fait au moins 2 siècles qu'on fait les régulations comme ça. Et là, je comprends pas trop. Est-ce que, par exemple, vous, Seigneur Pluton, est-ce que vous sauriez ce qui se passe? J'aimerais bien être un peu au courant. Je sais pas si c'était prévu tout ça, en fait. Je vois pas. Attendez, quoi? Mais enfin, mais on marche sur la tête là, c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi on va rien faire du tout? Mais enfin, oh, c'est pas sympa. Non, franchement, non, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Enfin, trop dur. Non, parce que bon. Enfin, on est là, on fait nos trucs, mais enfin, l'encou, je suis pas sûr qu'il faille le destituer, quoi. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Mais alors, je suis, hein, depuis tout à l'heure, je suis, mais enfin, je vois pas du tout ce qui vient de se passer là. Chut! C'est pas possible. C'est que de l'impro en fait. Ah! Ça, je peux le faire. Ah! Eh! Écoutez, le seigneur Pluton a raison. Comme d'habitude. En fait, c'est facile. En fait, c'est la règle. Pluton dit un truc. Moi, je suis d'accord. Globalement, c'est comme ça que ça se goupille. Je suis désolé, je te fais des trucs complètement inutilisables depuis tout à l'heure. Oh, oui, bah, hey. Écoutez Pluton, il a raison, hein. Ok, donc ouais super, bah merci, merci beaucoup, c'est super sympa, bah ouais, super, on se fait espionner quoi, parce que là Pluton c'est ce qu'il a dit et il se trompe rarement, hein, de vous à moi, je me souviens pas que ce soit arrivé une seule fois depuis qu'on se connaît, et ça fait bien 200 ans qu'on se connaît, voire plus, en fait ça fait beaucoup plus, mais je dis n'importe quoi, mais j'ai un problème avec la mesure du temps. Ah bah super, ben bravo, ben on se fait espionner, ben c'est génial ça. Je lui chuchote import-export. Alors. Que quoi? Bah alors, que vous pouvez affirmer. D'accord, affirmer quoi? La phrase n'est pas finie là. Il va falloir se dépêcher, monsieur. Allez, on se dépêche. Ah! Bah super! Oh, en plus, zut, il est pour quelle position? Ah, attends, faut que je mette en pause et que je te demande ce qu'il préfère. Ah, zut, tu n'es plus sur Discord, il va falloir que je me débrouille. Eh ben, écoute, je vais te faire les deux versions. Parce que je ne sais plus si tu me l'avais dit. Attends, je vais remettre en pause et je vais voir si tu me l'avais dit. Tu me l'as pas dit. Oh bah, du coup, c'est parti pour faire les deux. Comme ça sera tout à fait complet. Ah, on l'avait dit. On l'avait dit que l'encou, il était en train de perdre son mojo là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, c'est bien ce qu'on me dit. Vous entendez? Ça confirme ce qu'on était en train de se dire. L'Ankou est en train de perdre ses pouvoirs de régulation. Son mandat est terminé. Il ne peut plus être régulateur. C'est exactement ce que tu as écrit. Ah, bah c'est exactement ce qu'on pensait. Voilà. La perte des pouvoirs de régulation, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mandat est arrivé à son terme. C'est exactement ce que ce brave cocher vient de dire. Du coup, je suis en train de paraphraser. C'est tout à fait inutile. Ah, vous entendez? Ça veut dire que l'Ankou ne peut plus être régulateur. C'est dans les règles. C'est comme ça. Je suis désolé. Si ça m'arrivait, je serais tout à fait en accord avec les règles. C'est-à-dire que s'opposer à ça, ce serait vraiment de la folie pure. Maître Prout-Prout, qu'est-ce que je raconte? Comment il s'appelle? Ah oui, Pluton. Ah, vous entendez? Il confirme exactement ce qu'on était en train de dire. L'Ankou est en train de perdre ses pouvoirs de régulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut plus être régulateur. Ce sont les règles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Non, c'est très drôle parce que je le vois pas du tout faire l'autre, mais je vais le faire quand même. Quoi? Attendez, déjà? Enfin, c'est pas possible. Non, je suis sûr qu'il est en train de mentir, le petit bonhomme là. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Attendez, non, c'est impossible. Ça fait beaucoup trop peu de temps qu'il. Non. Pourquoi on croirait en plus un simple cocher? Enfin. Je sais pas, c'est un peu ridicule. Attendez, quoi? Enfin, déjà, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Est-ce qu'on est sûr que cette personne dit la vérité? Mais attendez, c'est qui encore ça? Pourquoi vous faites venir que des gens qu'on connaît pas? Enfin, c'est pas possible. Alors, en plus, là, c'est génial parce que c'est un mortel qui vient témoigner à la barre. Alors, bon, bah, je suppose qu'on est tous cool avec ça maintenant, mais je fais parler n'importe comment en plus. Fanch, mais c'est qui ça, Fanch? Encore un autre témoin? Un mortel en plus qui vient témoigner à la barre parce que voilà, c'est hein, pourquoi faire les choses à moitié? C'est un peu n'importe quoi, soyons bien d'accord. Fanch, qui ça? Est-ce que quelqu'un le connaît ici? Enfin, c'est pas possible, ils font que devenir des gens comme ça, des randoms. Ah, mais en plus, c'est un mortel! C'est un mortel! Mais enfin, c'est impensable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça dépasse l'entendement. Ben voilà. Donc, moi, je suis pour révoquer l'encou. Du coup, j'ai fait le reste pour rien. Révoquer l'Ankou! Révoquer l'Ankou! J'ai parlé beaucoup trop fort. Thème congrès épique. Oh, ça va pas. Révoquer l'Ankou! Révoquer l'Ankou! C'est fini! Hop! L'Ankou! C'est comme Capri, c'est fini. Aïe aïe aïe. L'Ankou, t'es plus dans le coup! Révoquer l'Ankou. Si tous les régulateurs. Révoquer l'Ankou. Révoquer l'Ankou. Vous entendez? Il va prononcer le jugement. Vous entendez, il va prononcer le jugement. Ça y est, chut, arrêtez de parler. Non, je sais que je suis en train de parler, mais si moi je continue à parler, c'est pour vous dire à vous d'arrêter de parler. Alors maintenant, il va falloir tout écouter. Chut. En plus, on va savoir si... Je viens de me faire couper en plein dans mon mood, là. Ça y est, il va prononcer le jugement. Moi, je suis sûr qu'elle va faire... kill. Parce que là, c'est... Lent. Oh, vous avez... Ça y est. Ah, il va être révoqué, ça y est, c'est sûr. Allez, hop, chut, on arrête. Chut, taisez-vous. J'essaye d'écouter. Allez, chut, allez, hop, stop. C'est pas possible. Je suis désolé. Allez, c'est la fin de l'encours, enfin. On va pouvoir rentrer chez nous déjà, et ça, ce sera très très bien. Ça y est, Hadès va parler. Moi, Hadès. Oh, ça y est. Eh ben, j'espère que c'était bien. Je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Je pense que c'est pas juste une impression. Mais en tout cas, bon courage.